Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est samedi, c'est Fred et on va passer une demi-heure ensemble à écouter du funk et du disco. Ça tombe bien, on va commencer par la découverte et c'est du disco. Je vais vous faire écouter The Race avec leur titre A Little Loving. Sorti en 1978, il atteindra le top 5 US de la même année. Le groupe canadien, je le précise, est composé du mari et de la femme, c'est-à-dire de Robbie Ray et Cheryl Ray. Leur carrière sera tout de même éphémère car ils ne sortiront que 3 albums entre 1978 et 1980. On va voir si vraiment un peu d'amour éloigne le docteur comme ils prédisent. La double dose aujourd'hui, elle va être consacrée à un très grand groupe, j'ai nommé Shalamar. Il a connu 10 ans d'activité entre 1977 et 1987. Leur premier single, c'est un medley des principaux tubes de la Motown. Bon, après, il va passer relativement inaperçu, mais ça ne les empêche pas de persévérer. À partir de 1978, les tubes s'enchaînent comme Take That to the Bank, The Second Time Around, A Night to Remember et I Can Make You Feel Good. Ils ont reçu plusieurs récompenses durant toute leur carrière. Le départ d'Howard Hewitt du groupe en 1986 marquera la fin de l'expérience. Le groupe a fait quand même paraître 20 albums. C'est durant la célèbre émission Soul Train que les membres se sont rencontrés. Leur album intitulé Friends a même battu les records de vente au pays de la reine Elizabeth. Leur vente a augmenté de façon spectaculaire suite à une démonstration de danse, de Jeffrey Daniels dans le programme musical de la chaîne télévisée BBC. Top of the Pops. C'était la première fois que le moonwalk apparaissait à la télévision. Vous voyez, c'est pas Michael Jackson qui l'a inventé. Depuis, Shalamar est devenu un trio de danse de référence. Michael Jackson a même fait appel à Jeffrey Daniel pour l'aider à développer la chorégraphie de Bad et Smooth Criminal. Alors passons maintenant à l'écoute après tout ce blabla. Alors moi j'ai choisi A Night to Remember et Second Time Around. Get ready, get ready, get ready, get ready. Tonight, tonight, tonight, tonight. Gonna make this a night to remember. Get ready, get ready, get ready, get ready. Tonight, tonight, tonight, tonight. Gonna make this a night to remember. We'll be right back. Mister Disco et Mister Funk sur Fat Jet. Le maxi du jour va assurément vous parler à tous. J'ai choisi de vous faire entendre « Can't Take My Eyes Off You » de Boys Town Gang. Sorti en 1982, le morceau est une reprise d'un titre de Frankie Valli, « And the Four Seasons », qui a servi à la bande originale du film « Voyage au bout de l'enfer », mais arrangé à la sauce disco, bien sûr. Succès garanti. Alors vous allez pousser les tables et en avant la musique. Thank you. Alors pour l'instant français, j'y ai pris quelque chose de beaucoup plus proche de nous. On va évoquer Daft Punk. Enfin surtout leur titre Get Lucky. Il sort en avril 2013 et issu de l'album Random Access Memories. Rien qu'à l'écouter, on peut y déceler la patte de Nile Rodgers de Chic. Pharrell Williams y chante aussi. Que du bon monde quoi. Le titre aura tant de succès qu'il va remporter 2 Grammy Awards l'année suivante. Il sera aussi numéro 1 dans de nombreux hit parades. Et il remportera un nombre important de disques d'or et de diamants et de platine. Mais hélas, pour nous, le groupe a annoncé officiellement sa séparation le 22 février 2021. Je suis sûr que ça va vous évoquer de jolis souvenirs. Like the legend of the phoenix. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de petite dédicace, avec la pépite ça va être le cas. Avant de vous dire pour qui je vais la dédicacer ce titre, je vais vous parler de SOS d'Oliver Cheatham. Bien sûr, à côté du monstre qui est Get Down Saturday Night, c'est difficile d'exister. Le morceau sort en 1986 et il est extrait de l'album Go For It. Dans cet album figure aussi un morceau connu, Celebrate. SOS, vu qu'on s'approche du terme de notre émission, c'est tout approprié, non? Alors pour qui la dédicace? Eh bien, pour le plus grand fan d'Oliver Cheatham que je connaisse, j'ai nommé le Gax qui coule une heureuse retraite. Et comme il dirait, vu de ma fenêtre, c'est parti. I need to find my baby. Won't you help me find? Help me find my lady. I need to find my baby. Won't you help me find? Help me find my lady. I need to find my baby. Won't you help me find? J'ai passé un super moment avec vous, je vous dis bonne semaine, portez-vous bien, à bientôt sur Fadjet, bye bye.